Tu es là? Allô? Oui, mon cher, bienvenue encore. Oui, merci. Qu'est-ce qui ne va pas avec ta connexion, mon cher? Je ne sais pas. Ne me dis pas que tu es dans la partie africaine de l'Europe. Je n'ai pas compris. Ne me dis pas que tu es dans la partie africaine de l'Europe où le réseau dérange. Non, Alors, tu avais la parole. Tu parlais du lancement de la semaine dernière, le mardi dernier. on peut retomber dessus parce qu'on a pas terminé. Oui, il s'agissait de quoi déjà? C'était une totale confiance en Dieu. Oui. Est-ce que tu as eu à faire une totale confiance en Dieu alors dans ce cas? Parce que, oui, j'ai toujours eu confiance en Dieu. Voilà. En fait, chaque fois donc, puisqu'il y a des soeurs et des frères qui n'assistent pas à chaque fois que lorsqu'on finit une séance, faites un résumé par écrit dans le forum avec les versets que nous avons lus. Comme ça, les personnes qui ne sont pas connectées pourront voir cela lorsqu'ils seront connectés. Alors, pendant qu'on y est, mon cher frère Frédéric, donne-nous un résumé de ce que nous avons vu la dernière fois et au besoin, citer les versets que nous avons vus pour mettre notre soeur. Notre reine à la page, avant qu'on ne continue ce soir dans la deuxième partie de cet enseignement intitulé Une totale dépendance, une totale confiance au Seigneur. Oui, je donne Oui, allons-y. le verset. Luc 21, verset 5 à 9. Psaume 27, verset 1 à 3. Psaume 37, verset 5. Verset 7. Psaume 40, verset 5. Psaume 49, verset 1. Psaume 46, verset 2. La sœur amie avocat, bonsoir. Bonsoir. Psaume 20, verset 8. Veuille fermer ton micro avant que l'élève qui est là-bas ne se trouble dans son résumé. Oui. 84, verset 6. Donc, il est dans son document. Ouais. Psaume 105, verset 4. Genèse 15, verset 16. Psaume 78. Proverbe 22, verset 17 à 19. Proverbe 22, verset 17 à 19. Ésaïe 7, verset 1 à 4. Ésaïe 10, verset 24. Ésaïe 41, verset 10 à 14. Ésaïe 43, verset 1 à 5. Ésaïe 26, verset 3. Deux rois, verset 18 et 19. Voici les versets que j'avais notés. Et Voilà. on avait eu la dernière fois. Oui. On avait eu la dernière fois. Luc 21, verset 5 à 19. Oui, Luc chapitre 21, Il nous verset 5 à parlait 19. de la confiance en Dieu. Oui. Dans Luc 21, verset 5 à 19. Oui. Dieu nous a, Dieu, Dieu nous a, Dieu nous a, Jésus qui parlait à ses disciples. Et il nous a averti que on sera persécuté, mais que nous ayons totalement confiance en lui, que nous ayons totalement confiance en lui, et que aucun de nos, et qu'il ne laissera aucun cheveu de notre tête qui sera enlevé. Que c'est vrai qu'on sera persécuté,

bye bye avec Miséricorde Kapinga. Dans combien j'aime ta loi. Bonne soirée, la sereine. Bonne soirée. Bonne soirée, mon frère.